rentre en piste, comme le LKP à Pointe-à-Pitre. Je dénonce à quoi j'assiste pendant que tu pointes la petite. Au coin de la street, rien que sa cannabis. Fini en garde à pendant que les riches ont carnal fisc. Mon karma saigne, l'instinct est carnassier. Ils ont canassé nos champs jusqu'à Marseille. Faut dégarder la vide, qu'on échappe la chute. Car on n'aura jamais de la chatte, même si on écarte la cuisse. Je continue, je freestyle avec du contenu. Mes chansons compromis, je rappe le dos contre le mur. Et compte tenu de mon flow, gars au ras de marée. Si 2-3 gars de ma rue s'amènent, je doute que ça te fasse marrer. Suis-je parano, je rentre pas dans tes paramètres. Un coup de poker, je me barre de la mer. Dites pas un mot, je suis plus un môme pour croire à vos boniments. Votre polissement nous frappe, je la foque poliment. Ils ont pourri le monde avec leur capitalisme. Petit caïd monte sur un feed, joue les guitaristes. Le quartier s'anime, c'est la zizanie. Ça soit jusqu'au petit matin comme si c'était samedi. DJ scratch ma voix et vois comme je kick ça. Comme un obèse devant une pizza king size. Ou un dick ça qui se lâche dans tes tripes sales. Clique par les vrais savent, je suis le king quand je freestyle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est du freestyle. Une interlude sur disque et je kick comme au free fight. Crée des mots têtes dans mon siècle, c'est clic sam. Et même si on me check, t'es loin de savoir ce qui se trame. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est du freestyle. Une interlude sur disque et je kick comme au free fight. Crée des mots têtes dans mon texte, c'est clic sam. Et même si on me check, t'es loin de savoir ce qui se trame. J'déboule sur le beat, baisse tout du bout de mon pic. J'te prends au trip comme une lame qu'on te fout dans le beat. J'brille comme la lune en pleine nuit. J'veux de la thune, non, j'veux la vie qu'on m'avait prédit. À vrai dire, j'rappe défoncé, je freestyle. Mes frères tuent pour un paquet de fric tire. Veulent le pactole, faire de la thune, mais pas de tôle. Mais pas de pot, finissent terrassés comme patio. Allez, fuck you, j'vois pas des quartiers huppés. J'ai perdu pied, lutter l'enfer, j'l'ai vu de près. La vie me presse, j'garde un œil sur la montre. Car les mômes traînent tard de Saint-Ouen à Montreuil. On trône sur les toits pour prendre de la hauteur. C'est pas Auteuil, gars, au bruit et aux odeurs, mon fils. Reste tout pour tes cartes et du vice. Mais si ça continue, je sais que j'irai te chercher au flic. Nick, la vie est ainsi faite. On fait avec, on fait navette. En prison et liberté, on fait la fête, on se la pète. On a si peu à perdre, on fume tout l'après-midi. Peu importe que nos parents l'apprennent. De fleuri à freine, les mauvaises graines fleurissent. Je viens semer ma graine et peu importe ce que je risque. Le scudi est fini, chaud dans les machines. J'arrive ce crédit, ils veulent tous branler mon chiffre.